peux vous aider, monsieur ? Je vais la prendre. Pardon ? Autant j'hésitais, mais là, terminé, je la prends. Vous prenez quoi ? Bah, la Volkswagen. Ah ! Quoi, y en a plus ? Ah si, plein, mais moi je suis là pour le ménage, en fait. On ouvre dans une heure, monsieur. Vous seriez pas en train de me piquer la place, là ? Ah non, pas du tout. Je vais rester avec vous, quand même. Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Retrouvez cette offre dès maintenant sur Volkswagen.fr. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Auroville, histoire d'une utopie. D'abord, il vous faudra prendre la route de l'Inde, un peu plus au sud, s'arrêter un temps à Pondichéry, l'ancien comptoir français, ville blanche bordée par le golfe du Bengale. Car c'est là que l'histoire d'Auroville commence, il y a un peu plus d'un siècle. Une Parisienne de la belle époque, fascinée par le mysticisme oriental, rencontre le philosophe indien Sri Aurobindo, fondateur du yoga intégral. Elle devient sa compagne spirituelle et prend le nom de mère, sans doute la seule étrangère reconnue à ce point en Inde comme une autorité spirituelle. D'ailleurs, son portrait orne toutes les échoppes de Pondichéry. C'est elle qu'il y a 50 ans, en 1968, décide de créer Auroville, cité idéale, ville laboratoire destinée à rapprocher les cultures et les civilisations. Pour y parvenir, il vous faudra reprendre la route en taxi ou en rickshaw, une dizaine de kilomètres au nord de Pondy, avec l'espoir, peut-être, d'une découverte, d'une rencontre, d'une révélation. La piste, soudain, devient chaotique. Dédale de chemins poussiéreux vers une cité perdue au milieu de la jungle. Ça y est, vous y êtes. Auroville existe, l'utopie aussi. Et elle sent le citronnier et les fleurs de jasmin. Ses habitants n'attendent personne, mais accueillent tout le monde, curieux comme sceptiques. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? De quoi vivent-ils? Bref, drôle d'endroit pour une rencontre. Suivez le guide. Notre invité aujourd'hui, Thierry Pacot, philosophe et professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont Utopie utopiste, réédité l'an dernier aux éditions La Découverte. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INLA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Actuel 2 est consacré ce soir à un sujet très particulier, hors de l'actualité immédiate en tout cas, Auroville. Quand Jean-Pierre Elkabbach et Nicole Avril sont venus me proposer ce thème, j'ai d'abord, je l'avoue, ironisé. Les soi-disant révolutions spirituelles, j'en ai vu d'autres, du folklore pour beaucoup, et on a autre chose à faire que du folklore quand on dirige un journal télévisé. Et pourtant, s'il y a quelques hommes, quelques fous peut-être, qui s'accrochent à bâtir autre chose, même si c'est utopique, même si c'est irréalisable et en tout cas naïf, est-ce que la télévision ne doit pas, à un moment, s'arrêter une soirée et les montrer ? Lundi 26 février 1973, deuxième chaîne de l'ORTF. Pompeux et sentencieux, Jean Lefebvre, directeur des actualités, s'il vous plaît, introduit le dernier reportage de son présentateur vedette, Jean-Pierre Elkabbach, sujet sobrement intitulé « Auroville ». Pour le moment, ce n'est qu'une cité en construction, Auroville. Un immense chantier près de Pondichéry, au sud de l'Inde. C'est aussi le nom d'une expérience sociale et spirituelle hors du commun. C'est la cité de l'aurore. Elle se présente comme un lieu de vie communautaire où l'on apprend à vivre en paix, dans une profonde harmonie, au-delà de toute croyance, opinion politique et nationalité. Ici, pas de police, pas de prison, pas d'argent. Une aventure à la limite du rêve et du réalisme. Témoignage. Je suis arrivé à Auroville il y a 13 mois actuellement. Et j'ai trouvé ici l'endroit où on pouvait réellement s'exprimer en toute liberté. Je suis à Auroville depuis 3 ans et je suis venue chercher une vie communautaire. Je suis ici depuis presque 2 ans maintenant et je reste parce que c'est le meilleur endroit pour élever un enfant. Je suis à Auroville depuis 3 ans et j'y cherche la vérité. Je suis ici parce que je m'y suis sentie appelée. Quelque chose que je peux pas expliquer. Et j'y reste pour mon voyage. Condenser l'espace et le temps pour aller vers l'avenir. Ainsi s'ouvre le documentaire sur le regard clair et déterminé des membres d'Auroville, sur leurs mots empreints d'amour et de promesses aussi. Auroville est sorti de terre il y a 5 ans maintenant, en 1968, et ce n'est pas un hasard du calendrier, pensez donc. 68 et ses mythes révolutionnaires. Depuis, ils affluent du monde entier, hommes et femmes traînant avec eux leur histoire, leurs rêves et leurs racines. Ils sont une centaine. Chacun est venu pour des raisons différentes, mais tous fuient la crise des valeurs du monde occidental. C'est la fin des années 60, l'époque est à la contestation, et certains jeunes choisissent d'exprimer leur révolte par le nomadisme hippie et le spiritualisme indien. Pour schématiser le partage mystique qu'ils font de l'Inde, disons que les anglophones se tournent plutôt vers la méditation transcendantale de Maharishi Mahesh Yogi, le gourou des Beatles, tandis que les francophones, eux, choisissent la philosophie de Sri Aurobindo Yogi, à l'origine du projet Auroville. Né en 1872 à Calcutta, Aurobindo Ghose, dit Sri Aurobindo, est d'abord connu et reconnu comme l'un des leaders du mouvement indépendantiste indien. En 1908, accusé d'attentat au Bengale, il est emprisonné pendant un an. Dans les geôles de sa majesté, il développe alors sa pratique du yoga et réfléchit au devenir de l'être humain. À vrai dire, ses idées sont difficiles à résumer. Ceux qui ont passé une vie à l'étudier n'en sont pas encore venus à bout, c'est dire. Mais pour résumer, disons que son yoga, synthèse de tous les yogas, a pour objet de faire évoluer la conscience de l'homme d'aujourd'hui, simple être de transition, vers l'homme de demain, qu'il appelle l'homme supramental. En 1909, à sa sortie de prison, Aurobindo s'installe à Pondichéry, enclave française au milieu de l'Empire britannique. Peu à peu, il délaisse le combat politique pour se consacrer à sa recherche spirituelle. 5 ans plus tard, une rencontre fera de lui le maître à penser de toute une génération. Cette rencontre, c'est une femme. Elle s'appelle Mira Alfassa, française de 36 ans, artiste peintre passionnée d'ésotérisme. En 1914, lors d'un voyage à Pondichéry, elle rencontre Sri Aurobindo. Subjuguée par sa personnalité, la noblesse de ses traits également, elle se confie à son journal. Il importe peu que des milliers d'êtres humains soient plongés dans la plus profonde ignorance. Celui que nous avons rencontré hier est sur Terre. Sa présence suffit à prouver que le jour viendra où les ténèbres seront transformées en lumière et ton règne sera réellement établi sur Terre. J'ai l'impression de naître à une nouvelle vie. Cette nouvelle vie ne commence en réalité que 6 ans plus tard, lorsqu'elle s'installe définitivement à Pondichéry dans la Villa Blanche du Maître. Elle devient sa compagne et ensemble, ils fondent l'ashram Aurobindo, sorte de monastère dédié à l'enseignement du gourou, où se pressent quelques 250 disciples. Dans les couloirs, on y parle anglais, français, sanskrit, tamoul. On pratique le hatha yoga et la gymnastique occidentale. Le maître, lui, choisit le silence. En 1926, il se retire du monde pour se consacrer à sa quête intérieure. Il confie alors solennellement les rênes de l'ashram à Mira Alfassa, qu'on ne connaît plus que sous le nom de mère. Organisatrice de talent, elle développe l'institution qui devient l'un des foyers spirituels les plus rayonnants de l'Inde et aussi une entreprise prospère. En effet, en 1950, à la mort de Sri Aurobindo, l'ashram possède plus d'un tiers de Pondichéry, des terres, des bâtiments et beaucoup de commerces. Une ville dans la ville, qui compte à présent plus de 2000 disciples entièrement dévoués à la mère, 72 ans, héritière spirituelle du gourou. Chaque jour, devant sa porte, ils se rassemblent pour la voir, parfois l'entendre, cette mère très supérieure, immobile et drapée comme une idole. L'attente est longue, mais l'illumination garantie, comme le raconte l'un de ses adeptes au micro de Jean-Pierre Alcabache. Je la regarde, elle me prend les mains, je mets la matelas sur ses genoux, elle me caresse la tête et c'est tout. Vous lui donnez une fleur? Oui, et j'en reçois 4. Tous les jours? Tous les jours. Et vous attendez longtemps pour l'avoir, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Parfois un demi-heure, parfois 1 heure, parfois 2 heures. Mais attendre la visite de ta mère, ce n'est pas un poids. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? C'est difficile d'expliquer la relation qu'il y a, parce que c'est quelque chose de si intime, si profond, que ce n'est pas exprimable en parole. En 54, à l'heure où la République française se retire de ses comptoirs d'Inde et d'Indochine, Mère a dans son sommeil une révélation, une vision aussi forte qu'un coup de phare, dit-elle. Dans ses carnets, elle écrit « Il devrait y avoir, sur la terre, un lieu dont aucune nation n'aurait le droit de dire « Il est à moi ». Où tout homme de bonne volonté ayant une aspiration sincère pourrait vivre librement comme un citoyen du monde » et n'obéir qu'à une seule autorité, celle de la suprême vérité. 10 ans plus tard, la prophétie prend le nom d'Auroville, évoquant à la fois l'aurore et la sagesse d'Aurobindo. Auroville, cité internationale destinée à rapprocher les cultures et les civilisations, on a du mal aujourd'hui à imaginer comment des fonds ont pu être levés sur un tel credo. Mais nous sommes dans les années 60, rappelons-le, époque d'ambitieuses réalisations urbanistiques telles que Brasilia d'Oscar Niemeyer ou Chandigarh de Le Corbusier. Ainsi, en 65, le président indien se déclare-t-il favorable au projet Auroville et le présente l'année suivante aux instances de l'UNESCO, et c'est un oui massif. La branche financière de l'ashram Sri Aurobindo Society, dirigée par Mère, qui dirige tout, fait alors l'acquisition de terres qui s'étendent sur 2200 hectares au nord de Pondichéry. Un plateau désertique, recouvert de latérite rouge et balayé par des vents chauds, avec en son centre un banyan, arbre sacré. Tout est donc inventé, tout est à construire pour l'architecte parisien Roger Anger, choisi par Mère, bien sûr, qui lui dicte évidemment sa vision de la ville. Et il s'en explique en décembre 66 au micro d'ORTF. Auroville est la première ville internationale, elle a un message universel. Elle est prévue pour être construite dans le sud de l'Inde, à 7 km de Pondichéry. C'est une ville destinée à 50 000 habitants. C'est une ville circulaire, concentrique. C'est une ville aussi expérimentale. C'est en ce sens, si vous voulez, que ce plan a pu être adopté, puisqu'il est définitivement limité par son extension. À l'inverse de la démarche urbanistique classique, il ne s'agit pas de construire une cité habitée par des hommes, mais de construire des hommes nouveaux qui imagineront ensemble leur cadre de vie. Pour le reste, le cadre n'aura pas de frontières visibles, mais la forme d'un tourbillon galactique divisé en 4 zones, résidentielles, culturelles, industrielles et internationales. Au centre d'Auroville, d'immenses bâtiments dignes d'un film de science-fiction s'enroulent autour du Matrimandir, le temple de la mer, une immense sphère dorée haute de 30 mètres consacrée à la méditation. Enfin, la cité idéale sera protégée par une épaisse forêt à la fois poumon et rempart de verdure. Pour faire de ce sol aride un Éden luxuriant, les ingénieurs misent alors sur la technologie de pointe de l'époque. Énergie solaire, mais oui déjà, et dessalement de l'eau de mer. 10 ans sont jugés nécessaires pour édifier la ville laboratoire du monde à venir. Selon l'expression de la fondatrice, cette cité devra héberger 50 000 personnes, nombre optimal, pense-t-on, pour que l'expérience se propage. Voilà la grande aventure, peut commencer le rêve de papier devenir réalité. C'est ainsi que le 28 février 1968, 5000 personnes se rassemblent autour du banyan séculaire d'Auroville pour la grande cérémonie d'inauguration. Dans une urne de marbre, en forme de fleur de lotus, une centaine d'enfants déposent 124 poignées de terre, représentant autant de pays membres de la communauté. Puis, de sa voix tremblante et empathique, Mère entame la lecture de la charte d'Auroville. Auroville appartient vint à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Ensuite, des ambassadeurs, appelons-les comme ça, sont envoyés dans les pays occidentaux pour aider, renseigner ceux qui voudraient rejoindre l'expérience, ou tout du moins, la financer. Quant aux 5000 personnes présentes en ce jour d'inauguration, elles rentrent chez elles, laissant le désert rouge aux premiers Auroviliens, pelles et pioches sous le bras, prêts pour l'aventure. En janvier 1973, lorsque l'équipe de Jean-Pierre Alcabache débarque en Inde, Auroville a 5 ans et l'on continue d'y retourner la terre à l'aide de brouettes rudimentaires poussées par quelques centaines de pionniers romantiques, indiens, européens pour la plupart, villageois, ex-68ards, intellectuels déçus, seconde nature, illuminés ou croyants qui souvent se croisent, tous naufragés à la recherche d'un havre de paix. Alors, main dans la main, ils construisent, imaginent, tâtonnent, expérimentent. Toujours est-il que 2000 arbres ont déjà été plantés, plusieurs bâtiments futuristes érigés et quelques dizaines de maisons traditionnelles construites. Cela dit, ça ne ressemble encore qu'à un vaste chantier à l'image du grand temple, le Matrimandir. Les fondations sont coulées, mais ça s'arrête là. Certains pensent déjà que le sanctuaire ne sortira jamais de terre. Qu'importe, c'est un homme nouveau que l'on construit ici et c'est ça la grande aventure. Un nouveau territoire dans la philosophie d'Aurobindo, où l'ascétisme rigoureux laisse place à un yoga d'action. Et puis, bâtir une ville, c'est aussi inventer une nouvelle société. À Auroville, selon la charte originelle, il n'y a pas de loi, pas de propriété privée, pas d'argent, enfin tout ce qui pourrit la vie, ici. Mais alors, concrètement, comment vit-on ? Eh bien, disons qu'on invente un peu chaque jour, en fonction des nécessités du quotidien et des aspirations propres à chacun. Et ce, dès l'enfance, puisque quelques dizaines de gosses vivent déjà sur place. D'ailleurs, l'école principale est l'un des premiers bâtiments durs qu'on a construits. Elle s'appelle Last School, la dernière école, vouée à disparaître donc. Car la méthode est celle du libre progrès des enfants. Et, mis à part l'enseignement des langues, français, anglais, taboule, la liberté est quasi totale, si ce n'est qu'il faut suivre ce que dit mère. Ce qui intrigue Jean-Pierre Alcabache, un peu coincé dans sa chemise blanche, qui tend son micro à une petite fille blonde au regard timide. Quel âge as-tu ? 10 ans. Et combien de temps tu es là ? 8 ans. Tu venais de quel pays ? Allemagne. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Je sais pas encore. Mère va décider. Mère va décider. Ouais. Et toi, tu peux pas, puisque on t'a appris à être libre, tu peux pas choisir toi-même? Je peux, mais je veux pas. Pourquoi? Parce que si je choisis, et si je choisis quelque chose qui n'est pas bon, alors c'est mieux que mère choisit. Mère elle me dit ce que je peux faire, puis après... Si je le veux pas, alors je vais faire quelque chose de faux, et si je veux, je vais faire quelque chose de bien. Auroville, c'est donc ça. Suivre les enseignements de mère pour révéler sa vérité intime sans contrainte extérieure et débarrasser du pouvoir aliénant de l'argent. C'est d'ailleurs l'un des premiers souhaits de mère. En 65, elle écrivait « Auroville n'aura de relation avec l'argent que pour ses échanges avec le monde extérieur ». Un principe que les pionniers tentent d'appliquer à la lettre. La nourriture, par exemple, est d'abord répartie de façon égalitaire entre tous les habitants. Mais rapidement, certains se plaignent de ce régime unique. D'où une seconde tentative où chacun choisit ce dont il a besoin dans le magasin de la ville. Oui, sauf que les ressources s'épuisent bien avant d'avoir satisfait tout le monde. Du coup, les habitants font de fréquents allers-retours à Pondichéry, distante de 10 km, pour ajouter le beurre dans les épinards. À Auroville, les réunions s'enchaînent sans qu'on trouve la méthode pour satisfaire les volontés spartiates de mère. Et contrairement à ce que pensent de nombreux occidentaux qui viennent chercher en Inde la solution miracle à leurs problèmes, Auroville, ce n'est pas le paradis. Oh que non. Au contraire même, la vie est pénible, harassante. Et pour entrer, il faut subir une période probatoire d'un an avant d'être accepté par mère, qui, soit dit au passage, n'habitera jamais à Auroville. Il faut dire qu'en 68, lors de l'inauguration de la cité, elle a déjà 90 ans et reste confinée au deuxième étage de son ashram pondichérien, dictant jour après jour ses expériences spirituelles à Satprem, son disciple et biographe français, interviewé par Jacques Chancel en 1977. Mais généralement, on en parle comme d'une vieille dame française qui était à la tête d'un ashram et qui est partie à l'âge de 95 ans. Mais mère, c'est rien de tout ça, n'est-ce pas? Mère, c'est un grand roman d'aventure et d'amour. Mère n'a rien à voir avec les spiritualités, entre guillemets. Elle a à voir avec la terre. Et avec la question même que je me posais dans les camps de concentration. Qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? Et par je ne sais quelle grâce ou privilège, elle m'a fait le confident de cette fabuleuse expérience qui était le secret de Sri Aurobindo. En janvier 73, le journaliste Jean-Pierre Elkabbach ne rencontre pas mère. Elle a alors 95 ans et d'aucuns affirment qu'elle est séquestrée dans son ashram. Malade, protégée par des gardiens aux ailes excessifs, c'est une vieille femme prostrée, muette, l'œil fixe et le menton tremblant que l'on exhibe quatre fois par an aux pèlerins. On dit que dans les derniers mois de sa vie, ses proches ont été exclus de l'ashram pour s'être inquiétés de son état de santé. Le 17 novembre 73, quelques mois après la venue des caméras d'Antenne 2, Mira Alfassa, alias Douce Mère, quitte son enveloppe terrestre, vraisemblablement victime d'une surdose de médicaments. Bon timing, en tout cas pour la communauté, une aubaine même. Car la mort de Mère évitera de dévoiler devant Jean-Pierre Elkabbach les querelles intestines des disciples qui vont désormais prendre le pas sur l'idéal de fraternité inscrit au fronton de leurs rêves. Sensible, Fabrice Drouel. La mère d'Auroville est morte dans la nuit à l'âge de 95 ans. Des milliers de fidèles défilent depuis les premières heures du jour ce matin devant le corps de celle qui était devenue le disciple du grand penseur indien Sri Aurobindo avant de continuer son œuvre à sa mort en 1950, Jean Plézieux. Née en Égypte de nationalité française, elle était à la tête d'une communauté internationale de centaines et de centaines de fidèles, mais également à la tête d'une société qui possédait des immeubles, des usines, des actions et à qui ses adeptes laissent leurs biens à leur mort. Pour transformer la vie intérieure, comme le voulait Aurobindo, la mère avait conçu une ville nouvelle appelée Auroville, à quelques kilomètres de l'ancien comptoir français des Indes, Pondichéry. La maison mère est en deuil. La mort de mère, le 17 novembre 1973, laisse en effet Auroville sans protection et en proie aux querelles de chapelle. D'un côté, les Auroviliens qui plaident pour l'autogestion, de l'autre, les héritiers de l'ashram de Pondichéry, réunis dans la Sri Aurobindo Society, propriétaire légal d'Auroville, qui, elle, entend garder la main sur la gestion des fonds. Les deux camps, bien sûr, se réclament de feu la mère, qui ne laisse derrière elle aucun testament, excepté la charte de la cité. Auroville n'appartient à personne, mais à l'humanité tout entière, avait-elle dit. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Deux ans plus tard, en décembre 75, ce qui devait arriver arrive, un conflit éclate, émaillé d'empoignades et d'affrontements violents. Ces tensions vont durer 4 ans. Du jour au lendemain, l'ashram de Pondichéry cesse de financer la cité dont les projets restent en plan. La Sri Aurobindo Society va jusqu'à payer des villageois indiens pour agresser les pionniers, détruire leurs installations, mettre le feu à leurs maisons. La police doit intervenir à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'État lui-même s'en mêle. En novembre 80, en effet, la Cour suprême indienne autorise les Auroviliens à poursuivre sans entrave leur expérience. Puis en 82, la ville est reconnue indépendante de l'ashram de Pondichéry. Enfin, 6 ans plus tard, en 88 donc, une loi appelée Auroville Foundation Act confère à la cité de l'Aurore un statut légal unique au monde. Elle devient une fondation indépendante avec son propre visa, mais partenaire du gouvernement indien qui dispose d'un représentant permanent sur place. Signe particulier, tenu de respecter la loi de l'État, Auroville n'est pas soumise à l'impôt. Reste que l'entrée des séculiers dans la cité de l'horreur constitue, aux yeux de certains en tout cas, le crépuscule d'un rêve. Et l'utopie, elle, est en pente douce. 20 ans après la pose de la première pierre, les rares bâtiments réalisés selon les plans initiaux sont pour la plupart délaissés, érodés par la pluie et le vent. La démographie, elle, augmente très lentement. 800 Auroviliens seulement, quand on en espérait 50 000. Seule se poursuit l'édification du Matrimandir, gigantesque dôme d'or, symbole futuriste de l'unité d'Auroville, mais sa construction n'est là où en sont ses habitants finalement, loin du but. Pas de quoi démoraliser pour autant les aventuriers, non. Pour eux, la magie opère toujours, comme en témoigne cette Aurovillienne au micro de France 3 en juin 90. Il y a la tente, cette espèce de fascination de voir ce que ça va être quand ça va être fini, parce que en fin de compte, on ne sait pas ce qu'on est en train de construire. Mère a dit, tiens, vous construisez ça comme ça, vous faites 12 murs, vous prenez ces distances, vous mettez un cristal avec un rayon de soleil, et puis vous le construisez, et moi je m'occupe du reste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne le sait pas, c'est juste qu'à certains points, on est très curieux, et puis... Et c'est cette curiosité-là qui vous mène depuis 20 ans à construire cet endroit-là? Ah oui, je pense que oui. En fait, s'il n'y a pas cet espoir derrière, s'il n'y a pas vraiment ce petit côté un petit peu magique, derrière le maître Mendir, mais le maître Mendir, ça ne veut rien dire. Un petit côté magique qui a parfois tendance à agacer, car Auroville ne fait pas l'unanimité. Visiteurs déçus ou journalistes perplexes décrivent tour à tour un club de vacances spiritualisé pour riches blancs, une patrie de néocolonialisme bobo, un délire mystico-urbanistique, une secte, un kibbutz ésotérique, une escroquerie de 68 arts mafieux, enfin j'en passe. Un autre problème revient régulièrement, la cohabitation avec les villages voisins. Occupants millénaires de ces pauvres domaines, leurs habitants ont vu déferler un peuple étrange, qui, au-delà des bonnes volontés, les a spoliés de leur droit de passage pour leurs troupeaux. C'est vrai, les Auroviliens n'ont pas ménagé leurs efforts pour partager leur savoir avec eux, mais cela n'a pas amoindri les différences culturelles et les divergences d'intérêts. Dans l'émission Sur les docks de France Culture, diffusée en 2014, une Aurovilienne témoigne. En fait, quand je suis arrivée à Auroville, je me suis demandé si c'était un projet néocolonialiste, vraiment. Je me disais, c'est quoi? Il y a beaucoup de blancs qui ont des hamacs, c'est les dames qui font le ménage dans les maisons. Ce sont des gens qui viennent des villages, qui sont modestes. En général, elles vivent dans des maisons à la tamine, ce qui sont des maisons en terre, où il y a l'électricité depuis 5, 6, 7, 8 ans maximum, où il n'y a pas, en général pas d'eau, pas de toilette. Ils ne dorment pas sur des lits, ils dorment sur des nattes. Il y a les histoires des castes aussi, que nous, on ne pénètre absolument pas. À Auroville, on n'en parle jamais. En 2008, à l'occasion des 40 ans de la ville, la journaliste Hélène Risser décide d'aller voir ce qu'est devenu Auroville. Dans ses bagages, elle emporte le fameux documentaire de Jean-Pierre Elkabbach, réalisé pour Antenne 2 en 73. En confrontant témoins d'hier et d'aujourd'hui, à vrai droit de suite, elle tire le bilan. Que reste-t-il en ce début de 21e siècle de l'utopie d'Auroville ? La journaliste retrouve certains des pionniers filmés 35 ans plus tôt, toujours enthousiastes et idéalistes. Les enfants d'Auroville ont grandi, certains sont partis puis revenus, ils ont changé de métier, se sont mariés, séparés, reproduits, la vie en somme. Avec toujours cette petite magie en plus sans laquelle il n'y aurait plus personne ici, car le quotidien y est toujours aussi difficile. Aujourd'hui, la communauté compte un peu plus de 2500 membres, dont 600 enfants, une petite moitié d'Indiens et 55 autres nationalités françaises en tête. Et l'on pourrait dire qu'il y a ici autant d'Auroville que d'Auroviliens, soit une somme d'expériences individuelles à défaut d'aventures communes. Il y a d'abord les newcomers, apprentis auroviliens qui pendant un an devront travailler bénévolement pour la communauté, faire leurs preuves et avoir assez d'argent pour subvenir à leurs besoins pendant cette période probatoire. Car ici comme ailleurs, l'argent reste le nerf de l'utopie. Suite de l'honnête témoignage d'une Aurovilienne dans l'émission Sur les docks de France Culture. On a cru que, en arrivant ici, tout devait être gratuit, ce qui est une absurdité totale. Je vois pas pourquoi les choses seraient plus gratuites qu'ailleurs. Ce qui est un peu irritant au début, c'est que les gens qui arrivent sont mis à l'épreuve financièrement, professionnellement, humainement. Et donc, on te demande de payer. Alors, t'as un peu le sentiment de te retrouver dans vache à lait, parce qu'il y a un peu deux clans. Il y a le clan de ceux qui payent et il y a le clan de ceux qui ne payent plus. Passé cette année de probatoire, visa en poche, l'aspirant auroviliens devra ensuite verser une somme correspondant au prix de logement qui lui sera attribué, villa futuriste ou hutte traditionnelle. Il en aura seulement l'usufruit, puisque la propriété privée est abolie. Puis, en échange d'un travail au sein des multiples commerces et services d'Auroville, il reçoit un salaire appelé « maintenance », 140 euros environ. Pour le reste, la communauté fournit gratuitement à ses membres la nourriture, l'éducation, les services de santé et quelques biens essentiels. Mais pour préparer leur vieux jour, bon nombre d'Auroviliens se constituent un pécule, mais en dehors de la communauté. Certains effectuent des petits boulots saisonniers du côté de Pondichéry, comme l'explique l'une d'elles dans le documentaire d'Hélène Risser, Auroville, histoire d'une utopie, réalisée en 2008. La norme, c'est 5000 roupies par mois, donc 85 euros grosso modo, sachant que la réalité économique et financière de l'environnement dans lequel on vit fait que 5000 roupies par mois, c'est juste. C'est voire même pas suffisant. Nous, dans notre budget familial, on n'a pas suffisamment pour un budget vacances ou on n'a pas suffisamment pour des extras quand on va à Pondy. Alors automatiquement, il y a les anniversaires, il y a les Noëls, il y a la famille qui font des chèques, il y a des petits boulots ici, il y a des petits boulots à droite, à gauche. Après, il y a tous les autres qui s'arrangent autrement. Passé ces considérations bassement matérielles, parce que monétaires, la grande prouesse d'Auroville, c'est 50 ans après sa création, son incroyable reforestation. Le plateau aride et poussiéreux a laissé place en effet à une jungle luxuriante, riche de millions d'arbres, où se mêlent acacias, banyans, flamboyants, frangipaniers. La communauté est d'ailleurs reconnue comme experte dans le développement durable. À l'heure du bilan, on pourra aussi admirer le matrimandir, sorti de terre ou tombé du ciel, après 37 ans de travaux. À l'intérieur du gigantesque globe recouvert de pétales d'or, s'ouvre l'antichambre de la conscience divine, 150 mètres carrés tapissés de marbre blanc, baigné de silence. Au centre, une boule de cristal sur laquelle tombe verticalement un rayon de soleil. Atmosphère. Auroville restera jamais inachevée, car l'utopie est à la fois nulle part et en chacun de nous. Et, comme le proclamait le slogan de mai 68, n'oublions pas, soyons réalistes, demandons l'impossible. Je vous convie à la grande aventure, une vraie aventure, dont le but est une victoire certaine, mais dont la route est inconnue et doit être tracée pas à pas dans l'inexploré. Et à bien que quoi. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Auroville, notre invité Thierry Paco. Bonjour. Bonjour. Philosophe, professeur émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Utopie et Utopiste, réédité l'an dernier aux éditions La Découverte. On vous présente aussi souvent comme philosophe de l'urbain. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que j'essaie d'interpréter, d'analyser, d'expliquer ce truc dans lequel on est, qui s'appelle l'urbain, qui est maintenant planétaire, avec des notions, des concepts, des démarches philosophiques. Alors, pour commencer, et avant d'en venir à Auroville précisément, d'où vient le mot utopie? roupies, je crois que ça nous renvoie au XVIe siècle, c'est ça, non? Exactement. Notre ami c'est un dénommé Thomas More, oui, qui est un ami d'Erasme. Je précise ça parce que c'est vraisemblablement Erasme qui lui a soufflé le mot utopie, qui est un mot très curieux, car il est construit à la fois avec du latin et du grec, et qui signifie tout simplement la négation du topo, c'est-à-dire du lieu, c'est sans lieu ou nulle part. Mais Thomas More, très subtilement, met un petit sizun à l'ouverture de son récit de 1516, où il explique que ça peut être utopia ou utopia, c'est-à-dire soit le bon lieu, soit le lieu qui n'existe pas. Mmh. Et dans la conclusion de son utopie, il dit « Je ne sais pas très bien ce qu'il faut entendre par tout ce récit de ce voyageur qui s'appelle Raphaël Itlaudet, qui a visité l'île d'Utopia, peut-être même qu'il ne faudrait pas que ça existe. » Donc il est très sceptique. Et lorsqu'il devient Premier ministre d'Henri VIII, donc un poste à l'époque considérable, bien sûr, où il a tous les pouvoirs, il n'entreprend aucune réforme. Et pourquoi ? C'est un mystère, justement. Mmh. Alors que dans son livre, comme vous l'expliquiez pour Reville, il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de hiérarchisation, etc. Alors, 5 siècles après Thomas More, en ces temps de réalisme, l'utopie ne sort même plus en débat. Tellement le cynisme de notre époque est peu porteur de rêves, peu porteur d'ailleurs, peu porteur d'autre chose. Pire encore, l'utopie est souvent discréditée, elle prend une connotation négative, d'où ma question. Faut-il réhabiliter le concept d'utopie ? Est-elle indispensable à l'humain ? Alors, j'ai longtemps cru que, en paraphrasant un poète, Saint-Paul Roux, que toute société qui n'a pas d'utopie est condamnée à mourir de froid. Ouais, c'est beau. Et oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est plus que pas mal. Et maintenant, j'ai mieux compris en analysant la disparition des utopies, comme vous le dites très bien. Il y a 3 raisons au moins. La première, c'est l'effacement de l'ailleurs. À la fin du 19e siècle, tout est cartographié, nommé, connu. Et donc, on bascule dans la science-fiction parce que l'ailleurs devient la Lune, Mars ou d'autres galaxies. Et par rapport aux Auroviliens, je pense qu'eux avaient encore un petit temps de retard, il y avait encore un ailleurs dans leur tête, qui était l'ailleurs adien. Mmh. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais puis la deuxième raison, c'est que les utopies pratiquées ont été meurtrières. Ce soit la Chine de Mao, le stalinisme, l'Albanie, la Corée du Nord. Donc c'est pas sexy là, l'utopie, on n'y croyait plus du tout. Et puis il y avait cette espèce de fascination pour les Trente Glorieuses où tout le monde s'enrichissait. Et donc on disait, il n'y a pas besoin de transformer la société, elle se transforme en mieux. Elle nous donne une voiture, même 2 voitures ou 3 voitures. Bon. Et puis à un moment donné, il y a eu ce qui s'appelle la quête du sens. Et alors là évidemment, on est revenu à d'autres considérations et on invente un nouveau terme dans la culture occidentale qui est celui d'alternative. Donc on crée non pas une contre-société à l'intérieur de la société, mais on essaye de construire une autre société tout de suite, immédiate, dans des fermes bio, dans un habitat autogéré. Le Larzac, par exemple, le Larzac, en France, oui, bien sûr, un vrai exemple. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui en est une résonance forte. Alors comment avez-vous découvert, vous, l'existence d'Auroville? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Tiens, voilà un cas intéressant. Ça, c'était quoi votre approche? Alors, dans l'après 68, j'étais étudiant et je m'émancipais comme d'autres de ni Dieu ni maître. Donc, Auroville me plaisait pas beaucoup parce qu'il y avait cette dimension de spiritualité qui me gênait un peu, oui, disons-le franchement, il faut être honnête. Bon. Et donc, c'est plus tard, évidemment, lorsque je me suis intéressé à l'évolution des sociétés, où j'ai vu la place des croyances, des craintes, des religions, etc., je me suis dit, on peut pas faire l'impasse là-dessus, il faut travailler là-dessus, chose, même si je suis athée, il faut quand même regarder, les gens, ils sont motivés pour ça, et du coup, j'ai eu un regard beaucoup plus... Et pourquoi ils y allaient, etc. Et c'est vrai que, allant en Inde fréquemment, à ce moment-là, et jusqu'en dans les années 2010, je me suis aperçu que tous mes interlocuteurs indiens ignoraient totalement Pondichéry et Auroville. Les plus occidentalisés disaient « Ah oui, il y a un truc qui a été construit comme ça. Bon. » Parce que Sri Aurobindo, c'est un penseur indien pour occidentaux. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est une référence aujourd'hui en Inde. Même s'il a créé un ashram qui, en sanskrit, signifie ermitage. Donc c'est bien un lieu de recueillement, un lieu qui se met à côté du monde pour essayer de créer finalement un autre monde qui est le monde de l'intériorité. Dans ces poèmes qui sont assez beaux, enfin de Sri Aurobindo, parce que vous l'avez très justement dit, c'est très compliqué à lire, c'est des textes très alambiqués, et dans Savitri, qui est le recueil de ces poèmes, il y a ce vers que je trouve magnifique, « Un unique regard innombrable ». Ouais. Donc là, on comprend très bien. C'est un vrai texte. Ça veut dire, ça a du sens. Sauf que ça montre aussi l'incroyable. Les oxymores ont du sens. Voilà, absolument. Ça montre à quel point il y a une sorte de langage interne à la pensée, surmentale. Comme parce qu'il y a toujours des mots comme ça, un peu gonflants, bon, si je puis dire. Cette spiritualité-là, elle va satisfaire des gens qui sont, vous l'avez très bien dit, un peu paumés dans la société de consommation ici. Et arrivés là-bas, ils vont, comme les utopiens du 19e siècle, qui partent de France pour construire une colonie phalanstérienne aux États-Unis, finalement, c'est le même schéma. Il y a un personnage charismatique. J'allais y venir. Pardon de vous couper. J'allais y venir. Allez-y, coupez. De ce côté phalanstère. Écoutez, cette mère quasi-divinité vivante, les obligations financières de ses membres, la structure sociale du groupe, on ne peut pas éluder la question de la secte, tout de même. Ça ressemble, je ne dis pas que c'est une secte, je dis que ça ressemble à une secte, et est-ce qu'il y a des éléments sectaires là-dedans? C'est pour ça que vous m'avez coupé, parce que secte vient du latin qui signifie couper, précisément. Donc, exactement, c'est pour ça que j'ai fait. Non, mais je pense pas. J'ai cru ça à un moment donné, mais plus maintenant. Je crois que ça va pas aussi loin. C'est plutôt... D'accord, mais il fallait le dire. C'est plutôt un engouement. Je connais la cul ça, quand même. C'est plutôt un engouement de réaliser quelque chose. C'est pour ça que je ne parlerai pas d'échec des colonies phalanstériennes aux États-Unis, ni d'échec de Roville, parce que, vu de loin, ça peut nous apparaître comme un échec, mais pour chaque participant... C'est une expérience qui n'a pas de prix. Oui. Donc je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un qui, lui, y a été, a grandi en lui-même par ce détour orovillien, lui dire « Ah ben non, tu t'es gouré, ça n'a pas marché ». C'est pas le problème. Et c'est pareil pour toutes les colonies phalanstériennes ou même anarchistes et libertaires en Amérique latine ou en Amérique du Nord au XIXe siècle. Donc il y a un personnage charismatique. Si celui-ci meurt, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est la panique. C'est-à-dire que qui va hériter Donc il se bagarre, même violemment. Bon, l'autre élément, c'est le fait qu'on ne fait pas corps avec le milieu environnant, c'est-à-dire que les habitants d'à côté ne viennent pas dedans. Ouais. Donc exactement comme dans le cas d'Auroville. Et puis, on va buter sur l'argent. Toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la société, le phalanstère, il y en a un qui va dire « Ah ouais, mais là, Pierre, là, il faut rien, il a le même salaire que moi, ça va pas. Bon, » Donc tout d'un coup, on réintroduit des échelles de valeur qui sont monétarisées. En évoquant les critiques que l'on peut formuler contre Auroville, on a le droit aussi, écoutons cette archive de juin 1990, sur le plateau de Faut pas rêver, sur France 3, sont réunis un Aurovillien et l'humoriste Alex Métayer, qui après un reportage sur Auroville, donne son avis. Vous allez voir, enfin vous allez entendre plutôt, très tranché. Je suis profondément contre. Je m'explique, justement tu faisais allusion à mai 68, c'est-à-dire c'est aussi réussi que mai 68. C'est-à-dire, c'est rien. C'est-à-dire, 700 personnes pour une ville qui devait en compter 50 000, des gens qui sont obligés de vivre avec des subsides, qui sont à la fois du gouvernement, de l'UNESCO, etc., qui fabriquent une espèce de vie complètement apparente, qui n'a rien à voir avec la réalité dans un pays qui crève de misère, ça ressemble pour moi aux gens gauchistes qui pensaient aller en Lozère et faire des petits villages de bonheur en élevant des chèvres, et on sait ce que ça a donné après quelques années. Donc je trouve ça totalement faux. Je dirais pernicieux sur le plan idéologique, je trouve ça... Voilà je vous dis ma pensée, monsieur. Hein. Voilà, au nom d'un réalisme que Métayer croit synonyme d'intelligence, il rejette d'un revers de la main, de même façon violente, ce qui croit à un autre monde. Vous disiez, vous, tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit, justement. Non, là, il est idiot, là. C'est des propos qui n'ont pas de sens, parce que, effectivement, et même pour la Lozère... Parce que je connais beaucoup de néo-ruraux, comme on les appelait à cette époque-là, qui sont très satisfaits de leur existence. Mmh. Non, on a le même problème aujourd'hui avec tout le mouvement décroissant que je suis de près, et à chaque fois, il y a toujours la même raison. Ah oui, vous avez 800 euros, vous travaillez, vous avez un potager ou un maraîcher en permaculture, vous arrivez à 800 euros par mois, et vous trouvez ça digne et bien. Ben oui, si la personne, entre guillemets, y trouve son bonheur. Marie. C'est une notion très compliquée, celle du bonheur. Dans le cas d'Auroville, ce qui est effectivement gênant dans les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est toujours l'instance de la mère. C'est-à-dire que c'est elle qui décide, qui nous dit si c'est ça le bonheur ou pas. Non, chaque être humain est un être qui éprouve. Et donc, c'est par le fait qu'on éprouve, le fait qu'on ressent quelque chose, qu'on sait qu'on est sur un bon chemin ou pas. Quoi. Oui, mais il y a quand même paradoxe, en tout cas apparent, entre cette volonté de s'émanciper de cette société de l'argent, cette société matérialiste où il n'y a quand même pas beaucoup de bienveillance, et le fait de suivre quelqu'un comme ça, paradoxe entre quête de liberté individuelle et suivisme d'une personne, non ? Oui, d'autant qu'elle le précise dans les quatre principes de la charte, ah, c'est clair, qu'il n'y a pas de religion. Non plus, que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Plus, ouais. Donc là, on pourrait aussi s'émanciper de ça, enfin dire voilà, je viens là. Alors maintenant, pour l'architecture, il faudrait qu'on en sache plus sur cet architecte-là, parce que quand même, c'est un zonage. C'est-à-dire, c'est quand même du Le Corbusier, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est la séparation géographique des activités, ce qui fait pas ville. Alors, n'oublions pas, c'est un élément important, il faut le rappeler, on l'a fait pendant le récit, nous sommes dans les années 60 et... En plus, plus particulièrement en 1968, donc l'année porteuse d'utopie par excellence. C'est c'est pas un hasard, j'imagine, selon vous, si Auroville se construit à ce moment-là. C'est pas un hasard, d'autant que je mettrai une autre préhistoire qui n'est pas européenne mais qui est nord-américaine, qui est le mouvement de la Beat Generation. C'est-à-dire que c'est vraiment l'appel de l'Inde, c'est 63, 64. C'est bien sûr les paradis artificiels, mais c'est aussi la méditation, c'est aussi le yoga et c'est aussi l'ashram. C'est-à-dire que tout. Mais c'est aussi l'immense publicité faite par les Beatles. Ah ben évidemment, par exemple, bien sûr, à l'époque. Oui, ça c'est indéniable. Bon, et pour beaucoup d'Américains, du reste, c'est la découverte d'Henri Michaud, par exemple, ou d'Antonin Artaud. Bon, et les Européens, ils arrivent un peu après. Donc c'est vrai que quand le mouvement utopique décline et cesse aux États-Unis, il émerge sous d'autres formes, évidemment, en Europe. Et donc, du coup, c'est une autre Inde. Les hippies vont à Goa, les Occidentaux d'Europe vont à Pondichéry. Alors, si on se place maintenant dans une perspective historique, donc on va aller avant plutôt qu'après, comment replacer Auroville dans l'histoire des utopies, de qui mère, ou douce mère, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, était-elle l'héritière ou la parente, quelle filiation, quelles influences ? Alors, je crois que elle ne connaissait pas, j'imagine, Thomas More. Thomas More, donc, c'est 1516, et un libraire viennois en 1911 dénombre 1516, comme par hasard, récits utopiques, qui sont tous dus, alors, en extraordinaire majorité, à une plume masculine. Mmh. Donc, je pense que l'utopie, c'est un mouvement masculin d'émancipation politique occidentale. Il n'y a pas d'équivalent en Inde à l'époque, il n'y a pas d'équivalent dans le monde arabe, il n'y a pas d'équivalent dans le monde chinois. Donc l'utopie est quelque chose de très très circonscrit à notre culture, qui va justement lutter contre les inégalités qui se manifestent avec le mouvement des enclosures au XVIe siècle et ensuite le capitalisme industriel. Donc elle ne s'inscrit pas là-dedans. Et donc elle s'inscrit dans une autre quête qui serait plutôt plus proche de ce que j'appellerais le mouvement religieux de l'amour du prochain, dont je cite tout de suite Tolstoï. Et c'est pas par hasard, parce que Tolstoï est celui qui écrit une lettre aux Américains à la fin du XIXe siècle pour leur dire « vous méconnaissez un texte majeur » qui a été produit chez vous, c'est le texte sur la désobéissance civile de David Thoreau. Et donc, c'est Tolstoï qui dit aux Américains, vous avez un texte majeur. Et l'introducteur de ce texte en Angleterre va dans un restaurant végétarien et il a à côté de lui un jeune étudiant indien qui s'appelle Gandhi. Ah. Et il lui donne cette brochure. D'accord. Et Gandhi en fait un de ses éléments constitutifs de sa pensée sur la non-violence. Et ensuite, ça revient à 62-63, avec Martin Luther King, et là on renoue avec cet itinéraire des idées, vous voyez, qui circule comme ça. Ouais. Donc l'utopie, si elle est vivante, elle circule. Merci pour l'explication de ce chemin de l'utopie, très clair. 50 ans plus tard, le projet Auroville n'est pas arrivé à son terme, à ses fins, mais apparemment ça a l'air logique, puisque l'utopie c'est une construction qui n'a pas vocation à se terminer à un moment donné, hein, elle continue, c'est aussi la construction de l'homme. Quelles sont pour vous les... Oh, même une question un peu une colle, un peu dure, quel est le dernier utopiste en France pour vous ? Le prochain ou... Non, le dernier utopiste, celui dont on peut dire que sur le terrain politique, par exemple, il a été un utopiste. Oh, c'est une question difficile, effectivement. Alors, si je vous dis Monsieur Dumont, en 1974. Oui, voilà, je suis d'accord. Est-ce que ça colle? Non, mais j'ai une énorme estime pour cet homme. Ouais. Et pour vous, c'est Ah oui. Roger Dumont, c'est quelqu'un de très bien. Ça veut dire que l'écologie, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est une utopie, mais qui pourrait répondre au slogan de mai 68, soyons réalistes, demandons l'impossible. Ça collerait, ça? L'utopie, aujourd'hui, du 21e siècle, c'est l'écologie. Ah, voilà. Je dirais même plus, c'est l'éco féministe écologiste. Voilà, il faudrait inventer un nouveau terme. Parce que je suis persuadé que les écoféministes américaines nous ouvrent la voie. Là. Il y a énormément de textes, malheureusement ils ne sont pas traduits en français, où on voit cette importance de cette espèce de nouvelle alliance avec le monde vivant, entre le vivant et l'humain. Et l'apport d'Auroville aujourd'hui, son aspect positif, c'est précisément ces millions d'arbres. Eh bien, reste à savoir si nous sommes prêts à l'entendre. C'est l'autre question. Merci infiniment, Thierry Pacaud. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le projet Auroville, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site franceinter.fr. Par ailleurs, pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Guillaume Malandras, Simon Maisonneuve, Jeanne Maillère et Margot Opinel, attachée de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrat, reportage Anaël Verzo, réalisation Hélène Bizio et Coy Nguyen, la technique aujourd'hui Clément Berman. Voilà, j'ai cité tout le monde dans ce phalanstère heureux qu'est Affaires Sensibles.